tu peux pas te renforcer. Tu vas sur les, tu vas sur l'air du temps, les formes, le pouvoir du subconscient sur ta personnalité. Ta personnalité sera jamais au service de ton esprit.